Souvenir d'un marchand de tableaux, chapitre 13. La guerre et l'après-guerre. La défense de Paris. Guerre et bureaucratie. La peinture à l'honneur. En juillet 1914, j'attendais de Berlin un pastel de Degas que j'avais envoyé en communication et dont mon correspondant m'avait annoncé le retour lorsque, à la place du tableau, je reçus le télégramme suivant. Empereur autorise achat Degas par Galerie Nationale. Il faut savoir que l'empereur Guillaume n'avait eu, jusqu'alors, que des préventions contre la peinture française moderne. C'était même à grand-peine que la Galerie Nationale avait obtenu l'autorisation d'accepter les Degas, Renoir, Monet, etc., qui lui étaient offerts par des mécènes berlinois. Devant cet intérêt subi que l'empereur témoignait à un tableau français, je m'imaginais difficilement, quelle que fût la gravité des événements, que le seigneur de la guerre se préparât à nous attaquer. Et j'acceptai que mon tableau restât à Berlin en attendant la conclusion du marché. Je devais apprendre plus tard que l'empereur Guillaume ne s'était nullement mis à apprécier les Degas, mais qu'un acquéreur, au dernier moment, avait eu des vues sur le pastel. Mon correspondant avait imaginé ce stratagème pour ne pas renvoyer le tableau. Bref, je croyais dur comme fer à la paix. Aussi, peu de jours après, avec quel étonnement, passant devant le bureau de poste en face de mon magasin, je lus sur une petite affiche manuscrite ces mots « La mobilisation générale est ordonnée ». Des passants s'étaient attroupés. Un ouvrier proféra « Merde !» Mais son inquiétude n'était pas justifiée. Les ouvriers, au contraire, allaient bientôt se trouver dans une situation privilégiée. Pendant que les petits bourgeois, les intellectuels et les paysans maintenus au front continueraient à se faire casser la figure, les prolétaires des deux sexes rempliraient les usines où les 5 sous du combattant seraient remplacés pour eux par des salaires de plus en plus élevés. C'est leur satisfaction que j'entendis exprimer plus tard par une ménagère en cheveux et en bas de soie, marchandant une belle volaille. « Enfin, le poulet a changé de gueule !» Quand Paris menacé commençait à se vider de ses habitants, je m'inquiétais d'un de mes amis qui avait une femme et 11 enfants. Lui-même avait passé l'âge d'être mobilisé, et comme il avait une habitation à la campagne, en me rendant à son domicile pour m'informer, je n'aurais été qu'à demi surpris de n'y trouver personne. Or, mon ami était toujours là. Je le surpris en bras de chemise, dans le salon, s'exerçant au punching ball. « Vous voyez, me dit-il, je suis en train de me refaire des muscles pour rejoindre. » En quittant ce héros, je vis, sur le trottoir, un petit garçon qui pleurait. Les spectacles de la rue m'ont toujours attiré, et puis je m'intéresse beaucoup aux enfants. J'abordai celui-ci en lui parlant comme font les gosses qui se rencontrent pour la première fois. « Comment que tu t'appelles ?»« Papa et maman m'appellent Charles, mais à l'école, les autres, ils m'appellent Frise à plat. »« Eh bien, mon petit Frise à plat, pourquoi pleures-tu »« C'est à cause de notre épicier. Quand il est parti à la guerre, grand-père a dit que ce gars-là devait être un boche. » Qu'il irait donc avec les copains faire un tour dans sa boutique et qu'il nous rapporterait des petits poissons en boîte et des petits pois dans les flacons. Mais l'épicière s'est méfiée et a fait appeler les flics. Le maître d'école a-t-il su ça? Qu'est-ce qu'il vous apprend donc ? Ce matin, le maître nous a appris le lapin. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça, le lapin ? Le lapin est un vertébré, un mammifère, un herbivore. Et qu'est-ce que c'est qu'un vertébré ? Ça, je ne sais pas. Le maître ne nous l'a pas dit. Mais je sais l'histoire. Eh bien, sais-tu qui est-ce qui gouverne en France ? C'est le roi. Le roi ? Quel roi ? Et l'enfant, sans hésiter, Charlemagne. Est-ce que tu as eu des prix ? Oui, le premier prix d'histoire et le deuxième d'instruction civique. Rentrant chez moi, je vis un taxi bondissant sur le trottoir. Et voilà que je reconnais, dans le chauffeur, un masseur qui, peu de temps auparavant, venait chez moi pour une foulure que je m'étais faite. Un matin, il m'avait dit « Il ne va plus falloir compter sur moi, monsieur Vollard. Je ne suis pas mobilisable tout de suite, mais je vais devancer l'appel. Vous comprenez, si je ne presse pas le mouvement, toutes les places au front seront prises par les camarades, et moi, on me collera à l'arrière. » Je ne m'attendais pas à revoir mon masseur, conducteur de taxi. « Mais que diable faites-vous là ? » demandai-je. « Je vous croyais au front. »« Ben oui, monsieur Vollard, mais je ne savais pas encore ce que c'était que la guerre. » Il y a 3 jours, j'avais sorti le petit chien de la concierge pour lui faire faire ses besoins. Quand, tout à coup, voilà que quelque chose se met à péter au-dessus de nos têtes. Toto commence à hurler comme si on l'étripait. Pour tout dire, un projectile lui avait coupé la queue, net. Il file comme un dard à la maison. Je prends ma course derrière lui, dégringole dans la cave sur mes fesses. Toto, entre ses dents, avait déjà rapporté à sa maîtresse son bout de queue, et nous regardait comme pour nous prendre à témoin de ce qu'on lui avait fait. Ma femme en avait les larmes aux yeux. « Eh bien, Jules, qu'elle me dit, il n'y a plus une minute à perdre. Cours vite t'engager, puisqu'en devançant l'appel, tu pourras choisir ton arme. » « Alors, vous voyez, j'ai choisi l'auto. J'apprends à conduire. » Je ne pus m'empêcher de raconter à mon homme que je venais de quitter un père de famille de 11 enfants, qui, dégagé de toute obligation militaire, était en train de se faire des muscles pour aller se battre. Mais l'ex-masseur, vivement, « Ah, c'est qu'il n'a pas vu, votre ami, un avion vous lancer des cochonneries sur la tête et tout le sang qui a coulé du derrière de Toto. Mais il faut que je me dépêche, je passe mon examen de chauffeur la semaine prochaine. » En le quittant, j'allais, comme beaucoup de Parisiens, voir les travaux de défense prescrits par l'autorité militaire. Ils avaient été poussés avec activité. Par exemple, à la porte de Montrouge où j'avais porté mes pas, les grilles avaient été munies, en matière de bouclier, d'un revêtement de fer blanc sur lequel un gamin s'amusait à battre comme sur un tambour. Et la mère, considérant sa progéniture avec amour, « Maintenant, on sera tranquille rapport aux boulets. Contre les boulets, il y a encore un bon truc que nous employons en 70, affirma un vieux balayeur qui accourait, portant 2 seaux pleins d'eau. On emplit d'eau un grand baquet. L'eau attire les obus et les empêche d'éclater. » C'est donc en toute quiétude que j'achetai à un marchand des 4 saisons une semelle de ces pêches de Montreuil qui abondaient à Paris, depuis que les envois pour l'Angleterre étaient devenus difficiles. Ce fut un des premiers effets de la guerre, de la Montreuil à 4 sous. Tout en savourant mes fruits, je me rendais compte des moyens de défense de Paris. Voyant que les routes qui conduisaient à la capitale étaient barrées par des troncs d'arbres et de grosses branches aux extrémités taillées en biseaux, je m'étonnais que les pointes fussent tournées face à Paris. Mais, m'étant heurté à une des pointes, je devinais qu'il y avait là une ruse de guerre. Si l'ennemi, malgré tout, était parvenu à entrer, on l'aurait rejeté sur ce dispositif acéré. Je remarquai, en outre, que là où les troncs d'arbres faisaient défaut, des soldats, sous la direction d'un adjudant du génie, creusaient des tranchées. Les tranchées devaient paraître par la suite. un moyen de protection autrement efficace que les troncs d'arbres et les branchages. Mais la nuit, tout au moins, ceux-ci reprenaient l'avantage. « Vous comprenez ?» expliquait un citoyen. « Dans l'obscurité, le premier rang des assaillants butera sur l'obstacle invisible. Le second rang culbutera sur le premier, le troisième sur le second, et ainsi de suite. » Et de culbute en culbute, voilà tout le monde par terre. J'allais bientôt expérimenter par moi-même l'effet d'intimidation qu'exerce, même en plein jour, un obstacle sur le chemin. Mon magasin fermé dès le premier jour de la guerre, je quittais Paris pour le hameau du Home, dépendant de Varaville et où j'avais une habitation. Le chemin le plus direct, quand on arrive de Paris, et de descendre à Cabourg. Il reste 1 kilomètre à faire pour arriver au Home. Je m'y rendais à pied quand j'aperçus, en travers de la route, une voiture à bras portant cet écriteau. « Faites viser vos laissez-passer au contrôle à gauche. » J'ai l'habitude d'observer aveuglément toute prescription quelconque. C'est ainsi qu'un jour, au moment de monter un escalier, ayant lu sur un mur « Tenez votre parapluie hors de la rampe », sans réfléchir que cette notification ne s'entendait que des jours de pluie, je tins mon parapluie dans la cage d'escalier. Et je cassais un Beckhauer. Bref, à Cabourg, au lieu de contourner simplement la voiture à bras, et de poursuivre ma route, je me dirigeais vers une sorte d'auvent où 3 individus préposés au visa des laissez-passer étaient en train de jouer aux cartes. Ils étaient coiffés d'une casquette ornée de galons pareils à ceux des portiers d'hôtel. Ces galons, on sait quelle considération ils m'ont toujours inspiré, ne furent pas sans m'intimider. Encore que j'eusse identifié tout de suite 2 des joueurs. La saison précédente, ils avaient travaillé dans le jardin voisin du mien, et quand je passais près d'eux, ils me gratifiaient d'un « Bonjour, monsieur Volard !» cordial et empressé. Le président du bureau, du moins attribuais-je ce titre à celui qui était le plus galonné, commença à me questionner. Il me demanda mes noms, prénoms, ceux de mon père, de ma mère, si j'étais mariée, combien j'avais d'enfants, encore que j'eusse décliné ma qualité de célibataire. Un peu impatienté, « Mais vous me connaissez, voyons, c'est bien vous qui travaillez dans le jardin de monsieur Duchâtel. »« Oui, je vous connais comme le monsieur Volard du temps de paix, mais maintenant on est en temps de guerre. Votre laissez-passer. » Je me suis demandé par la suite si ce n'était pas là des imposteurs, si c'était là des fonctionnaires pour de vrai. Je n'en doutais plus quand, plus tard, j'eus affaire à des agents de l'administration les plus authentiques. Par exemple, ce commissaire spécial que j'entendis dire à une dame de la Croix-Rouge qui se rendait en Suisse et dont il examinait le passeport. « Je vois que vous êtes mariée. » « Alors, vous laissez comme ça votre mari à Paris pour aller vous balader à l'étranger. Qu'est-ce que vous allez faire en Suisse ?»« Pourquoi me demandez-vous cela ? Mes papiers sont-ils en règle, oui ou non ?»« En règle ou pas en règle, j'ai le droit de retenir, pour plus amples informations, les voyageurs dont la situation ne me paraît pas claire. » Après tout, c'était peut-être pour parer à notre pénurie de combustible que nos agents rivalisaient de brimades et de chinoiseries pour dégoûter le public de voyager. Au cours de la guerre, j'eus à voir un de mes amis, soldat auxiliaire de 2e classe au ministère des Investigations. Comme je pénétrais dans son bureau, il parlait au téléphone. « Donnez-moi le ministère de la guerre, le colonel Untel. »« Le ministère de la guerre, ici le ministère des Investigations. » Et, sur un ton plus élevé, « Le ministre est très étonné qu'on ne nous ait pas encore envoyé le soldat Untel, dont les connaissances techniques nous sont indispensables. » Mais, dis-je, c'est un travail que d'être là à téléphoner tout le temps. Entre nous, c'est pour des affaires à moi que je viens de téléphoner. Le technicien que nous réclamons, c'est mon épicier. Tout va de travers dans sa boutique depuis qu'il n'est plus là. Mais pour faire venir votre homme, il ne faut donc pas que ce soit le chef de service qui le réclame ? Bien sûr que si. Seulement, en faisant signer le courrier, je dis au chef, on ne peut pas arriver à obtenir que la guerre nous envoie un tel. Et le chef me répond, « Réclamez, mon cher, réclamez, car si quelque chose venait à clocher, c'est à vous qu'on s'en prendrait. » On est tout de même bien à Paris et dans un ministère, après avoir goûté de la province et de la caserne. Et c'est au commandant dont j'étais le secrétaire à Rennes que je dois pareille aubaine. Un jour, qu'en consultant un dossier, il tempêtait tout haut contre un soldat qui, pour raison de salpingite, sic, demandait une permission. Ce bougre-là n'a qu'à se faire porter malade. Pardon, mon commandant, dis-je, ce n'est pas l'homme, c'est sa femme qui est malade. C'est foutrement vrai, dit-il en relisant la demande de permission. Mais comment savez-vous ça? Jubeau lui expliquait que la salpingite était une maladie de femme, rien ne plus lui ôter de l'idée que je fouillais dans ses papiers. Et pour se débarrasser de moi, il me pistonna pour Paris. À ce moment, une petite dactylo entra dans le bureau. Mon ami lui tendit son étui. « Cigarette ?» Elle en prit une et, en tirant une bouffée, « Au moins, ça, c'est du vrai. Ce n'est pas comme le bâton de rouge. Depuis la guerre, on n'a plus que de la camelote. Pareil qu'avant, ça venait des boches. » Quand elle fut partie, « Elle n'est pas mal, cette petite, » dis-je à mon ami. « Oui, c'est une dactylo que j'ai réussi à me faire attribuer. J'avais repéré une pièce meublée d'une table et d'un tapis vert. Personne ne s'en servait. J'y ai fait mettre 4 chaises, ça a fait un bureau. Et puis j'ai été trouver le chef. Nous n'avons pas encore de dactylo. Avoir un bureau monté, cela vous consolide d'une situation. J'ai un copain qui, comme ça, de simple manutentionnaire, est arrivé à devenir juge au tribunal arbitral mixte. C'est ça qui a un jus. » Mon attention était attirée par la mimique d'un des plantons qui pirouettait sur une jambe en répétant avec jubilation. « Moi, ils n'ont pas eu ma quille. »« Qui, ils ? » fis-je tout interloqué. « Mais les toubibs à 4 galons qui voulaient me la couper ? Je faisais de la gangrène gazeuse à une jambe. Il y avait dans le service un savant de l'Institut Pasteur, le docteur Wimberg. Il avait inventé un sérum qui guérissait ça en 5 secs. Mais ce toubib-là n'avait que le grade de lieutenant, et par conséquent, il lui était interdit de guérir une jambe condamnée par un 4 galons à être coupée. Bref, on allait me prendre ma jambe, quand, sans doute, effrayé par le nombre de pensions à servir aux mutilés, le gouvernement, se foutant des principes, de la hiérarchie, de tout le diable et son train, avait d'autorité octroyé aux 2 galons, aux 1 galon, voire aux 100 galons, qui pouvaient guérir sans couper, les 4 galons qui leur en donnaient le droit. En quittant le ministère des investigations, je passai au ministère de la guerre, où j'avais à voir un chef de service. Étant en avance sur l'heure où celui-ci devait arriver à son bureau, j'observais les gens qui allaient et venaient dans le vestibule où l'on remplissait la fiche indiquant l'objet de la visite. Un sergent recevait la feuille qu'on lui tendait pour la faire parvenir au destinataire. Rencontrant là le comte de Comminges, « Voyez donc, lui dis-je, avec quel air engageant ce colonel tend sa fiche au bleu qui sert d'aide. « Ah, c'est qu'il dépend d'un petit soldat, qu'il soit annoncé tout de suite. » À mon tour, j'allais remettre ma fiche. En revenant à ma place, je vis que le comte de Comminges souriait. « Ah, monsieur Volard, fit-il, si vous vous étiez vu tant dans votre fiche, vous vous faisiez encore plus gentil que le colonel de tout à l'heure. » Quand la guerre éclata, on raconte que le président du salon d'automne, M. Franz Jourdain, s'écria « Enfin, le cubisme est foutu. Mais, pas plus que les autres genres de peinture, le cubisme ne devait pâtir des événements. L'expérience fut vite faite qu'en temps de guerre, tout pouvait devenir matière à spéculation. En entendant parler des bons que faisaient les prix des tableaux, les profiteurs de la guerre s'avisèrent que la peinture ne devait pas être d'un rapport moins fructueux que le camembert, le vin ou la ferraille. Un matin, on frappa à ma porte. Quelqu'un entra, tenant à la main un prospectus de livres que j'avais édité, et il s'enquit s'il me restait encore des Chines et des Japons. Quelques-uns étaient épuisés. Comme je lui proposais des tirages sur Vélin, il fit la moue. « Vous comprenez, mes amis n'admettent que des grands papiers. » Je lui demandai si sa passion pour les livres était de vieille date. « Passion, passion, » fit-il. Il continua. « Combien faut-il posséder de livres de luxe pour être classé grand bibliophile ? Et un collectionneur, qu'est-ce que cela veut dire exactement ?» Je lui précisai le sens de ce dernier mot. « Alors, comme j'ai beaucoup de livres qui valent cher, je suis un collectionneur bibliophile ?» Je le lui confirmai. Il en parut très flatté et, mis en confiance, il me raconta son histoire. J'étais éplucheur de patates dans un grand restaurant quand je rencontrai un copain du temps où nous étions tous les deux camelots. Il m'apprit qu'il était devenu fournisseur de l'armée et il me proposa d'entrer dans sa combine. Je lâchai volontiers les patates. Vous vous y connaissiez dans ce que vous achetiez ? Voyons, en ces années-là, vous savez bien que le tout était d'avoir des rabais. Moi, j'avais mon truc. Je faisais semblant d'être indécis lorsqu'on me présentait la marchandise. Je faisais J'étais sûr d'obtenir une réduction. Le métier était bon et j'ai fait ma pelote. Et quand on a de l'argent, n'est-ce pas, c'est pour le faire rouler. J'ai des copains qui paient des perlouses aux poules. Moi, je suis pour quelque chose qui rapporte. Des trucs qu'on dit qui gagnent de la valeur. Des tableaux, des livres. Un tel état d'esprit explique en partie comment les quatre ventes de Degas obtinrent un si grand succès. En comptant tableaux, dessins, esquisses, il y avait là environ 2000 numéros. Pendant une des adjudications, l'éclatement des obus faisait trembler le plafond vitré de la salle Georges Petit. Mais les enchères ne se ralentissaient pas. Il arriva même qu'une toile adjugée et déjà retournée contre le mur, continuait à être poussée. C'est à ce moment qu'un passant se précipita dans la salle et cria « Le front est rétabli !» Rappelons que la liquidation de l'atelier de Degas produisit près de 12 millions de francs, et ce n'était pas des francs à 4 sous. Après la guerre, l'élan pour la peinture ne devait pas fléchir. Tout le monde continua de plus belle à acheter et à vendre des tableaux. Les galeries poussaient comme des champignons. Le long de certaines rues, chaque boutique était une vitrine de marchands de tableaux. Et je ne parle pas des trafiquants en chambre. Un jour, on me montra dans la rue une petite dame qui passait, des toiles sous le bras. Comme elle se plaignait que les ressources de son mari ne lui permissent pas d'avoir de bonnes, quelqu'un lui avait dit « Il n'y a rien de tel à présent pour gagner de l'argent que le métier de marchand de tableaux. » Un ami de la maison, qui avait confiance dans le savoir-faire de la dame, lui avança quelques milliers de francs qu'elle employa à acquérir, à la Van Kahn-Weyler, tout un lot de toiles cubistes qui, à ce moment-là, subissait une forte baisse, mais qui allait bientôt connaître la hausse. Du coup, elle eut sa seconde bonne, puis son auto et son jour de réception. Pendant que l'étoile montait, et que la gloire naissante du douanier Rousseau incitait les amateurs à découvrir des peintres parmi ceux dont ce n'était pas le métier, un marchand de frites, un cordonnier, je vis quelques dénicheurs miser sur un nommé quelque chose comme Bambon, un petit marchand de ferraille à la foire aux puces qui s'était mis à faire de la peinture. Il vendait ses tableaux suivant leur taille, ce qu'il avait d'ailleurs de commun avec des peintres célèbres. Pour donner une idée de sa conscience professionnelle, un jour qu'un amateur était venu chez lui pour faire un choix de ses plus récentes toiles, Bambon, retirant du lot un tableau, « Sur celui-là, dit-il, je vous ferai une diminution. Je ne puis pas honnêtement vous le compter au même prix que les autres. Il n'est pas aussi frais. Je l'ai peint il y a au moins 2 ans. » Qu'une toile pût perdre de son prix en vieillissant, telle n'était pas la vie d'un pâtissier de Pontoise, un nommé Murer, qui, lui aussi, lâcha son métier pour prendre la palette. Les impressionnistes, Renoir, Pissarro, Monet, etc., fréquentaient sa pâtisserie. Il avait été témoin de leur lutte, puis de leur succès naissant. Un jour, Renoir, qui venait lui acheter un pâté, le trouva qui mettait les volets à sa boutique. « Oh, j'en ai assez de ce métier de cuisinier, » dit-il au peintre. « Je suis bien bête d'avoir attendu si longtemps pour faire de la peinture. Vous comprenez, un pâté qui ne s'est pas vendu, il faut que je l'écoule au rabais. Tandis qu'un tableau, ça ne perd pas, et même ça peut gagner avec le temps. » Une place toute particulière parmi mes confrères doit être réservée à Paul Guillaume. Avant le grand engouement pour l'art nègre, Paul Guillaume s'était formé une collection de fétiches, tout en s'intéressant aux artistes encore peu connus. C'est ainsi qu'il découvrit et contribua, pour la plus large part, à mettre à leur vraie place des peintres comme Modigliani, Soutine. Je ne parle pas de sa collection particulière, où l'on pouvait admirer les toiles les plus révélatrices de Matisse, Derain, Henri Rousseau, Picasso. Mort prématurément, il aura passé comme un météore. Un autre grand animateur de la peinture impressionniste, c'est M. Étienne Bignoux. Le matin, il est à Londres. Dans la soirée, il ouvre une exposition à Paris. Le lendemain, il prend le bateau ou l'avion pour New York. Ses goûts le porteraient à ne pas bouger et à être couché tous les soirs à 9 heures. Mais s'il est toujours à parcourir le monde, c'est que, partout où il y a un tableau à voir, il est attiré comme par un aimant. Si les marchands de tableaux prospéraient, il arriva bien vite qu'ils eurent à subir les exigences croissantes de peintres qui voulaient participer à leur prospérité. Un jour, je croisai un de mes confrères qui me dit « Je sors de chez un tel. » Il parlait d'un de ses poulains. « J'ai dû lui payer une talbot il y a à peine 1 an. Et maintenant, il exige une pacarde. » J'eus l'occasion d'aller chez ce collègue quelques mois plus tard. « Monsieur A est-il dans son bureau ? » demandai-je à la secrétaire. « Vous arrivez dans un mauvais moment, monsieur Vollard. Le patron est dans un état. X sort d'ici. » Ce nom me rappela qu'il s'agissait de l'homme à la pacarde. « Il est entré en coup de vent, figurez-vous. Sans dire un mot, il s'est précipité, un rasoir à la main, vers un nu de lui. Tenez, voilà ce qu'il en reste, ses débris. Une toile, monsieur Vollard, dont nous avions refusé 75 billets. Ce tableau n'est plus digne de ma réputation, nous cria-t-il en emportant un morceau du ventre de la femme pour être sûr que le tableau ne pourrait pas être rentoilé. Tout ça après la pacarde qu'il nous coûte. Et un peintre qui, il n'y a pas 3 ans, disait au patron « Vous pouvez compter sur ma reconnaissance éternelle. » Moi-même, j'avais été gagné par la fièvre générale. Un jour, passant devant la vitrine d'un marchand, je vois une cathédrale signée Utrillo, un nom qui m'était inconnu. « Hé, me dis-je, voilà un peintre à lancer. » J'entre et je demande le prix. 50 000 francs. je suis ainsi ce que valait une œuvre de cet Utrillo, dont l'étoile, si peu d'années auparavant, ne se voyait, comme on me l'apprit, qu'accrochée en plein air chez les brocanteurs du boulevard de Clichy. J'ai raté, de même, un autre artiste, Modigliani. J'avais marchandé un jour une de ses toiles, encore que je n'eusse pas été très enthousiaste de ces figures nanties de longs coups qui semblaient comme étirées. « 300 francs, cela les vaut-il ? » me disais-je. Après la guerre, passant rue de la Boétie, j'aperçus de cet artiste un nu, qui rappelait la grâce un peu maniérée de certaines estampes japonaises. Quel voluptueux grain de peau ! Je pensais, il n'y a pas plus de 4 ans, on cotait 300 francs les plus grands Modigliani. Si on m'en demande 3 000 de celle-là, c'est tout le bout du monde. Combien ? M'informai-je. 350 000, mais il y a déjà une option, et nous avons tout lieu de croire que le courtier qui l'a prise agit pour le compte de Mussolini. L'après-guerre vit naître l'extraordinaire fortune des cafés du boulevard Montparnasse. À la terrasse, dans l'intérieur, on se montrait les nouvelles équipes de peintres et leurs modèles. Aucun rapport avec l'ancien Montparnasse. Plus rien de l'artiste bon enfant, fumant sa pipe devant un boc bien tiré et annonçant avec jubilation « Ça va, j'ai un de mes tableaux en montre rue Lafitte. » Comme elle est caractéristique d'une autre époque, cette anecdote que je tiens de Guillaumet. Un jour, étant allé chez Corot, dont il était l'élève, celui-ci, « Comment ? Tu me dis qu'un amateur t'a confié 30 louis pour lui acheter 2 tableaux ? Et que, si je n'étais pas Corot, c'est à moi que tu t'adresserais ? Mais mon petit, 30 louis, c'est une somme. Nous allons choisir immédiatement 2 toiles pour ce mécène. » Dans cette Babel de Montparnasse, où la plupart des peintres nouveaux ne parlaient que par dollars, piastres, pesetas, couronnes, livres sterling, combien contrastaient leurs aînés, les Bonnard, les Denis, les Derain, les Matisse, les Picasso, les Rouault, les Roussel, les Vlaminck, les Vuillard, qui peignaient d'abord pour la joie de peindre. Mais comme il est difficile de travailler avec goût, quand tout conspire à vous empêcher de travailler en paix. Il n'y avait pas que des snobs et des chercheurs de profit à s'être mis sur la peinture. Il y avait aussi des collectionneurs passionnés, lesquels n'étaient pas les moins ardents à pourchasser les artistes. Un seul moyen restait pour échapper à cette conjuration, fuir. Fuir loin, s'évader vers des endroits où le train n'accède pas. Hélas, les villages, même les plus reculés, ne sont pas à l'abri des autos. Et le peintre était à peine installé dans l'asile où il se croyait introuvable qu'il était dépisté. L'artiste, pour s'assurer une retraite tranquille, avait eu beau placer à l'entrée de sa demeure des écriteaux tels que « Piège à loup » ou « Chien méchant », on trouvait toujours le moyen de forcer sa porte. « Monsieur, venait dire la bonne, il y a à la grille des messieurs très bien. Ils sont en train de donner du sucre à Black. » Et puis, comment se défier du chauffeur qui vient demander assistance à cause d'une panne d'auto ? Cette aide obtenue, on verra descendre de la somptueuse limousine une dame qui insistera pour remercier le peintre du service qu'il vient de lui rendre. Naturellement, c'est aussi par hasard qu'elle a appris que c'est au maître Renoir qu'elle doit de pouvoir continuer sa route. Et comme elle sait que Renoir disait que rien n'était plus difficile, mais aussi plus excitant à peindre que blanc sur blanc, tout dans l'ajustement de la dame se trouvera être blanc, depuis le chapeau jusqu'aux souliers. Et Renoir, très emballé, « Ah, je n'ai vraiment pas de chance. Pour une fois que je vois un bon portrait à faire, il faut que le modèle m'échappe. » Or, par pur hasard encore, il se trouvera que la dame villégiature tout à côté. Elle offre volontiers de revenir, trop heureuse d'être, à son tour, utile au maître. Bref, avant de remonter dans son auto, j'aurai pris pour une séance de pause. Et après le portrait, ce sera un bouquet de fleurs qu'elle a désiré, un paysage qui lui rappellera, une fois à Paris, ces oliviers argentés qu'elle me tend. Bien typique, l'aventure de ces deux gentlemen qui débarquèrent un jour à Cagnes. « Il s'agit maintenant d'arriver jusqu'à Renoir, » dit l'un d'eux. « Je donnerais bien 1000 francs à celui qui nous introduirait, » déclara l'autre. « C'est sérieux ?» interrogea un quidam qui les avait entendus. « Je connais très bien Monsieur Renoir. » En effet, il connaissait très bien Renoir, mais pas autrement que pour l'avoir vu passer. Bref, les 1000 francs dûment empochés, il les mène chez le peintre, et quand celui-ci, que la bonne avait été prévenir, arrive pour savoir ce qu'on lui veut. « Monsieur Renoir, » prononce notre homme imperturbable, « je vous présente Monsieur Untel et Monsieur Untel. » Et là-dessus, l'astucieux personnage de disparaître. Renoir avait, pour échapper aux importuns qui venaient le relancer jusqu'à Cagnes, la seule ressource de faire répondre qu'il était en voyage. Mais dans un village, on vous retrouve toujours. C'est encore à Paris qu'on peut le plus aisément échapper aux visiteurs. Je me rappelle cette fois où, étant chez un artiste, je vis, tout à coup, son petit garçon courir vers l'antichambre et revenir avec le pardessus, la canne et le chapeau de son père. Je m'étonnais. « Vous n'avez pas entendu ?» me dit le peintre. « On a sonné à la porte. C'est peut-être une visite pour ma femme, mais c'est peut-être aussi un amateur qui vient pour moi. » Quel contraste avec l'époque d'avant-guerre où les gens du monde ne cherchaient pas à faire figure de connaisseurs, voire de spéculateurs, et même étaient ignorants avec simplicité. À l'époque où l'on déroba au Louvre la Joconde, je reconnus un jour, arrêtée devant un kiosque, une dame de mes relations. « Et qu'est-ce que c'est que Mona Lisa ?» me demanda-t-elle, me montrant une gravure qui représentait un portrait d'homme, avec ce titre « Le mari de Mona Lisa ».« Mais c'est la Joconde !»« La Joconde ! Vous savez bien le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci ?» « Léonard de Vinci ? Vous n'avez donc jamais été au Louvre ?»« Comment ? Très souvent, je sors encore de l'exposition de Blanc. » Je n'insistais pas. Or, c'était là une personne dont Forain, à un des dîners de la cave, m'avait dit « Si vous voulez me faire plaisir, mettez-moi donc à côté de Madame Z. J'aime bien l'entendre causer. Elle a du trait. » Elle avait aussi du goût. Je la retrouvai une autre fois dans un salon ami, en conversation très animée avec un membre de l'Académie des Beaux-Arts, aux allures un peu compassées de Lord Anglais. « Je causais peinture avec ce monsieur, » me dit-elle après le départ de son interlocuteur. « Je lui disais que j'aime beaucoup ce tableau de baigneuse dans l'antichambre. » C'était une aquarelle de Cézanne et je ne jugeais pas à propos de demander à la dame les raisons de son sentiment. Mais, rencontrant l'académicien, quelque temps après, « Vous aviez, lui dis-je, une bien charmante voisine dans le salon des X. Quel œil de peintre, cette jolie femme! Avec la manie que j'ai de parler tout le temps des choses de mon métier, vous aimez la peinture ? Lui demandai-je. Pendant que j'ôtais mon manteau dans l'entrée, répondit-elle, je voyais un tableau de baigneuse. Ça, c'est vraiment joli. Comment ? Cette chose qui a l'air d'un fromage, d'où sortent de gros vers blancs ? M'écriai-je, comme un vieux con. À cette appréciation qu'il faisait de lui-même, je crus devoir protester. Taisez-vous. Vous pensez de ma peinture, pique cela. Mais, poursuivit l'académicien, ma voisine repartit. « Moi, ça me caresse l'œil comme une très belle faïence. » Eh bien, ce mot-là m'a ouvert l'esprit sur Cézanne. Et maintenant, quand je suis à mon chevalet, devant mes petites fesses roses, mes seins en baudruche, toutes ces misères qui m'ont fait entrer à l'Institut, je me vomis. « C'est d'un autre art, » insistai-je poliment. « C'est de la saloperie. Mais je travaille à me renouveler. Actuellement, j'étudie Picasso et Matisse en attendant que j'attaque Cézanne. » Un Cézanne, un Matisse, un Picasso, ce n'est pas seulement une jouissance pour les yeux. Quels avantages ils peuvent vous procurer par surcroît? J'ai connu un banquier israélite qui voulait, à tout prix, attirer chez lui le baron Denis Cochin. À cet effet, il avait cru très habile d'acquérir une propriété à côté de celle du baron. Malgré ses avances, en fait de relations, il ne put jamais tirer de son voisin qu'une carte de visite. S'il avait possédé seulement quelques Cézanne, c'est bien plutôt M. Denis Cochin qui aurait fait les premiers pas. Dans d'autres cas, ce n'est pas seulement une belle relation, mais un sérieux profit qu'on devra au fait d'avoir une collection. Un jour que j'étais chez un de mes amis, petit amateur à qui ses moyens modestes ne permettaient d'acquérir que des esquisses, je le trouvai en train de montrer sa collection à un personnage à l'air protecteur. « Oh, moi !» dit à un certain moment celui-ci, « je n'y entends rien. Mais vous ne me ferez jamais croire que ce que vous avez là soit de la peinture sérieuse. » La bonne étant entrée, on vient prévenir monsieur que le prince de X, qui a pris rendez-vous pour 10 heures, ne pourra arriver qu'à 10h30. Le prince pense que cela ne dérangera pas monsieur. Sur ces mots, le visiteur s'effara. « Comment ? Le frère du roi de X vient chez vous ? Mais oui. Il aime beaucoup voir de la peinture moderne. » À ce moment, je me retirai. Quand je revis mon ami, « Combien je bénis Cézanne, Matisse, Picasso !» me dit-il l'air radieux. « Vous savez le monsieur qui était ici l'autre jour, quand la bonne annonça que le prince de X allait venir. Quand vous fûtes parti, « Écoutez, mon cher, » me dit-il, « je suis un homme tout rond. Je sais que vous aimez ma fille. » « Je ne vous ai jamais encouragé à vous déclarer. Eh bien, topez-la. Laissez-moi rester ici quand le prince arrivera. Oh, je serai si heureux de pouvoir dire que j'ai eu un tête-à-tête avec un frère de roi. Bien entendu, je ne vous demande pas de me présenter comme ça, tout de go. Mais, par exemple, est-ce que vous ne pourriez pas me dire à propos de ce tableau qui est dans l'ombre? Mon cher beau-père, voudriez-vous m'aider à le décrocher? Je tiens à le faire voir de près au prince. » Et voilà un amateur à qui sa collection a procuré le beau mariage. Une autre fois, c'est un financier qui devra son salut au portrait qu'a fait de lui un artiste en renom. J'étais dans l'atelier de John Lewis Brown quand entra quelqu'un qui, saisissant les deux mains du peintre, lui dit: « Savez-vous que vous m'avez positivement sauvé de la ruine ?»« Moi ?» fit l'artiste. « Vous rappelez-vous qu'un jour je vous ai demandé d'obtenir de Bonnat qu'il fasse une esquisse de moi pour 10 000 francs ? Qu'est-ce que vous avez pensé de ça ?»« Ce que j'en ai pensé ?» Je me suis dit, faut-il être riche pour sortir des 10 000 francs comme ça ?« Qu'auriez-vous donc dit, mon bon Lewis, si vous aviez pu savoir dans quelle situation je me débattais ?» J'étais littéralement au bout de mon rouleau. J'allais sauter d'un moment à l'autre quand m'est venue l'idée de ce portrait par Bonnat. Coup de théâtre, lorsqu'on a lu dans le Figaro et dans le Gaulois que l'éminent portraitiste des rois et des illustrations de la République travaillait à l'effigie du grand banquier, vous pensez si ça leur en a bouché un coin à tous ceux qui se préparaient à m'exécuter? J'ai trouvé instantanément pour me remettre à flot tout l'argent que j'ai voulu. Eh bien, fit Lewis Brown quand l'autre fut parti, vous voyez à quoi sert la peinture? Oui, je vois. Qu'attendent pour user de ce prestige que l'on tire de la peinture les manieurs de capitaux, les lanceurs d'affaires, voire les États en déficit? Enfin, tout tous ceux qui ont besoin de ranimer la confiance du public. » À l'exemple des amateurs qu'il voyait stocker les tableaux, comme d'autres mettent en portefeuille des valeurs dont ils escomptent la plus-value, les marchands, eux aussi, convaincus d'une ascension continue des prix, se constituaient des réserves. Et quand un passant, alléché par telle ou telle toile exposée en vitrine, pénétrait dans le magasin, « Combien ces meules de monnaie ? Pas à vendre. Ceux de rein ? Pas à vendre non plus. » Alors l'autre, nullement découragé, « Et ce Matisse qui est en montre, c'est encore de la collection particulière du patron ?» Je n'allais pas, pour ma part, jusqu'à refuser de vendre. Mais il est vrai de dire que la façon dont je comprenais alors le commerce n'était pas faite pour engager le client à acheter. Un jour, un passant entre dans ma boutique. « Combien ces trois études de Cézanne ? En prendriez-vous une, deux ou trois ? Une seule ? C'est 30 000 francs, à votre choix. Et si j'en prends deux, ce sera 80 000. Je ne comprends pas. Alors les trois, ça ferait... les trois, 150 000. » Mon visiteur était abasourdi. « C'est tout ce qu'il y a de plus facile à comprendre, lui dis-je. Si je vous vends un seul de mes Cézanne, il m'en reste deux. Si je vous en vends deux, il ne m'en reste qu'un. Si je vous vends les trois, il ne m'en reste plus, vous comprenez ?» Mon homme était de plus en plus étonné. Tout à coup, il se toucha le front. « Vous venez de me donner une fameuse leçon. » Et il sortit précipitamment. Il en avait, malheureusement pour lui, conclu que dans tout commerce, plus la commande est forte, plus il faut augmenter les prix. C'était des chaussures qu'il vendait. Amateurs et marchands, en gardant jalousement leur trésor, avaient compté sans la crise. Que c'est loin le temps où les acheteurs venaient en suppliant. Je me rappelle cet Américain qui, avec tant d'assistance, « Allons, monsieur Volard, soyez chic, c'est pour les États-Unis, cédez-moi ce Renoir. » Je l'avoue, sourd à cet appel pathétique, confiant dans la persistance de la hausse, je ne lui vendis pas le tableau. J'ai toujours le Renoir, mais je n'ai plus revu l'Américain. Malgré tout, chacun s'efforce de croire qu'il y a seulement un mauvais moment à passer et que l'argent recommencera, tôt ou tard, à rouler. C'est de pied ferme qu'on continue d'attendre le client. On entend le timbre de l'entrée. La porte s'ouvre, si c'était lui. C'est bien un amateur, en fait. Mais il vient pour revendre.